Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bon réveil. Nous sommes le vendredi 22 avril. Un autre jour est possible avec au programme dans un instant l'historien d'art Frédéric Helsig pour le dernier épisode de notre série consacrée à Jérôme Bosch. Et puis comme tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Aujourd'hui, deux grands dessinateurs, des artistes, des auteurs à part entière. Mathieu Bonhomme, le français qui lui est sous influence américaine puisqu'il reprend Lucky Luke, et l'américain Charles Burns qui lui a été plutôt marqué par la ligne franco-belge. Rencontre regard croisé aux alentours de 6h15. Mais pour commencer, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, vous êtes sur France Culture et on va parler peinture. Chercheuse, dans l'atelier de Jérôme Bosch avec Frédéric Helsig. Bonjour Frédéric Helsig. Bonjour. Alors pour terminer cette série consacrée à Jérôme Bosch, on va parler du chariot de foin qu'on peut trouver au Prado, à Madrid je suppose. Oui, tout à fait. Et qui est très important dans votre analyse développée depuis lundi sur la contextualisation des œuvres de Jérôme Bosch. Est-ce que Chariot de foin, pour le Chariot de foin, pour vous, est une œuvre de Jérôme Bosch? Alors, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de développer une analyse dans mon ouvrage sur Jérôme Bosch, en considérant que le peintre était véritablement à l'origine de l'invention, mais que en réalité l'exécution pouvait être interprétée autrement. Et c'est vrai que cette analyse, je l'ai un petit peu modifiée aujourd'hui. Je pense même que le triptyque du chariot de foin pourrait être entièrement dû à un autre peintre que Jérôme Bosch, c'est-à-dire un collaborateur dont nous avons évoqué l'existence hier. Son neveu, donc. Probablement l'un de ses neveux, et plus précisément celui qui lui survit, parce que il n'est pas inconcevable que le triptyque du chariot de foin ait été réalisé même après la mort de Jérôme Bosch, naturellement en utilisant les modèles et le répertoire du maître. Mais dans cette œuvre, l'exécution comme l'invention est en train véritablement de prendre ses distances par rapport à ce que l'on connaît de Jérôme Bosch. Et donc c'est à partir de l'œuvre, parce que vous aurez pu développer cette idée des imitateurs bien avant le triptyque Le Chariot de Foin. Par exemple, hier on a parlé des Tentations de Saint-Antoine, un triptyque qui a eu beaucoup de succès. Qui sait, peut-être qu'il y a eu des imitateurs de Bosch qui se sont emparés d'une idée, d'un style Bosch pour créer un univers qui serait boschien, mais qui n'est pas du tout du fait du peintre. Absolument. Et je pense qu'il est absolument nécessaire, en histoire de l'art, mais de manière plus générale, dès qu'on parle d'œuvres d'art, de bien distinguer des notions avec des mots précis. Lorsque l'on parle de collaborateurs, en général, on parle de peintres qui travaillent au sein d'un atelier. Et c'est probablement le cas de ce collaborateur qu'on appelle aujourd'hui le plus souvent le maître du chariot de foin, car ce triptyque est la référence qui permet d'attribuer d'autres œuvres à ce collaborateur talentueux qui pourrait être, comme on l'a dit, Johannes Van Aken, l'un des neveux de Bosch. Et il faut distinguer donc ce mot de collaborateur avec de celui de suiveur ou imitateur qui se situe hors de l'atelier et qui, dans le cas de Jérôme Bosch, va véritablement jouer un rôle essentiel parce que ces imitateurs vont en quelque sorte multiplier, créer des séries sur la base des inventions singulières de l'atelier de Jérôme Bosch, que ce soit les œuvres du maître ou de ses collaborateurs, et par là même créer la notion de genre. La renaissance des genres picturaux se fait précisément à travers le marché de l'art du début du XVIe siècle, le moment où, à partir d'une invention singulière qui est liée au goût de la cour pour l'originalité, sera multipliée, démultipliée par les imitateurs qui font en série, par exemple, les tentations de Saint-Antoine pour marquer le goût pour la représentation des diableries et des incendies, par exemple. Et c'est le cas aussi pour le chariot de foin qui a suscité plusieurs imitateurs, plusieurs suiveurs, hors de l'atelier de Bois-le-Duc. Alors, pour mettre en pratique votre analyse, je conseille aux auditeurs qui peuvent voir l'œuvre de se rendre à la page de l'émission « L'autre jour est possible » sur franceculture.fr. Là, on a la représentation de ce triptyque, chariot de foin. Et vous allez nous expliquer, Frédéric Helsig, pourquoi ce Jérôme Bosch n'est pas un Jérôme Bosch. Alors oui, en effet, il faut peut-être d'abord décrire ce triptyque tout à fait remarquable par son invention. Nous avons un revers qui, cette fois, n'est pas en grisaille, contrairement aux autres exemples évoqués, donc une sorte de transgression par rapport au code iconographique traditionnel, qui présente un homme pauvre, un vagabond, qui est en train de marcher, d'errer, sur un chemin, lequel chemin prend la forme d'une pente qui mène irréductiblement à la mort. Et il traverse un paysage fait de dangers. On voit notamment un voyageur dépouillé dans le fond, ainsi qu'un gibet au lointain qui se situe juste au-dessus de la tête du vagabond. Il s'agit donc de la vaine errance de l'homme sur terre qui s'inspire peut-être de textes, mais qui est suffisamment générique pour parler véritablement de l'homme de manière générale, mais à travers la représentation d'un individu. Lorsque l'on ouvre le triptyque, on voit exactement le même sujet, mais cette fois l'humanité prise dans un sens collectif. C'est une lecture à nouveau de gauche à droite qui dérive directement de celle que l'on a vue dans le jugement dernier de Vienne. Donc nous avons la même idée pessimiste d'une trajectoire de l'humanité qui va du paradis perdu vers l'enfer futur et vers la mort en trois panneaux qui sont représentés de manière extrêmement, subtile, puisque dans le volet gauche, nous retrouvons l'Éden, à nouveau la naissance d'Ève comme l'origine de tous les maux, le péché, Adam et Ève chassés du paradis, et il est intéressant de noter que dans le prolongement d'Adam et Ève chassés du paradis, à l'intérieur du panneau central, apparaît une figure qui est l'Homo Viator, c'est-à-dire un homme haute forme qui est accompagné par des enfants et qui est condamné à l'errance. C'est la figure de l'Homo Viator que l'on trouve d'ailleurs dans d'autres représentations de la même époque et qui est associée aux gens du voyage, les gypsies, les Égyptiens, qui sont enturbannés tout autour de lui et qui forment un petit groupe emblématique de cette errance. Et il est intéressant de noter qu'il introduit l'œil du spectateur dans la représentation du panneau central, dans lequel nous voyons le Christ juge tout en haut, dans le nuage, et donc on voit bien que le schéma initial était celui d'un jugement dernier qui a été complètement dévoyé. Au lieu que le Christ juge préside au jugement dernier, on voit un chariot de foin, c'est-à-dire un chariot tiré par les démons, suivi par toute la communauté chrétienne, l'empereur, le pape, toute la hiérarchie ecclésiastique et laïque, une agitation folle, puisque toute l'humanité s'entre-déchire pour prélever quelques brindilles de foin. On joue sur le jeu de mots phénus, phénum, c'est-à-dire à la fois l'argent et le foin. Il y a donc là l'avidité de l'humanité qui est épinglée par le peintre et à laquelle échappe uniquement une catégorie, les jeunes amoureux, qui se trouvent au-dessus de la mêlée, au-dessus du chariot de foin sur la meule. On voit en effet des couples entre un ange et un démon qui se disputent l'âme des amoureux devant un buisson d'où émergent une cruche et une chouette. Jean Wirth avait pu montrer que ces deux éléments font allusion à une phrase de saint Augustin qui nous dit qu'il ne faut pas être trop orgueilleux puisque nous sommes tous nés entre l'urine et les excréments, une phrase qui était très souvent utilisée à la fin du Moyen-Âge pour, en quelque sorte, inviter à la modestie. Et toute cette joyeuse compagnie qui s'entre-déchire va passer dans le troisième panneau, donc après l'aspect verdoyant de l'Éden, l'aspect de l'herbe desséchée du panneau central, c'est-à-dire le présent. On va vers le désert futur de l'enfer, qui est peuplé de démons. Et ce qui est intéressant de relever, c'est que l'enfer est en pleine construction. Vous voyez des démons maçons qui sont en train de construire le palais infernal, ce qui veut dire à nouveau que l'on construit dans le présent l'enfer qui sera le nôtre. C'est un discours extraordinairement virulent sur les dérives de la société, discours qui certainement vient de Jérôme Bosch lui-même, mais dont l'exécution est très différente de celle que l'on a vue dans le Jugement dernier de Vienne et dans le Jardin des Délices, et qui revient certainement à ce collaborateur, le maître du chariot de foin, alias Johannes Van Aken. Et une autre piste se dessine, si ce n'est pas le tableau de Bosch, c'est peut-être une tentative de recréer un tableau perdu de Bosch. Alors ça, c'était effectivement une hypothèse que j'avais moi-même défendu dans le livre en 2004. Ouais, vous faites allusion à ce livre, exactement. Hieronymus Bosch, la question de la chronologie aux éditions de Rose, que vous avez publié, c'est votre thèse de doctorat, hein, c'est-à-dire que vous avez à peine remanié thèse, donc que vous avez soutenue en février 2003 à l'université de Genève. Donc vous voulez dire que 10 ans plus tard, un peu plus de 10 ans plus tard, vous remettez en question cette hypothèse de travail. Exactement, je la remets en discussion parce que, et cela montre à quel point les théories relatives à Bosch ont été modifiées ces dernières années, dans la mesure où l'examen dendrochronologique de cette œuvre du triptyque du Prado porte vers une date très tardive qui même pourrait être au-delà de la mort de Bosch, ce qui m'avait conduit naturellement à penser à la copie d'après un original perdu. Mais il est vrai que depuis, l'analyse précise du dessin sous-jacent des œuvres de Bosch, conjuguée à l'analyse des dessins préparatoires, qui a été exploitée notamment par l'historien de l'art viennois Fritz Koreni, dans un remarquable livre paru en 2011, vont véritablement dans le sens de cette personnalité très forte du maître du chariot de foin qui survivrait à Jérôme Bosch et dont le répertoire est entièrement façonné par le maître lui-même. Et c'est dans ce sens que j'aurais tendance à aller aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric Kelsic de nous avoir accompagné cette semaine. L'intégralité de cette série, Jérôme Bosch dans son atelier, est à retrouver sur franceculture.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Comme tous les vendredis, l'actualité de la bande dessinée. Aujourd'hui, deux invités, l'Américain Charles Burns et le Français Mathieu Bonhomme. Mathieu Bonhomme pour le dernier Lucky Luke, l'homme qui tua Lucky Luke, enfin sa version de Lucky Luke. Mathieu Bonhomme qui a été nourri au western. Contrairement à l'Américain Charles Burns qui, lui, n'a jamais goûté au western, pourtant genre américain, et qui a toujours préféré la ligne claire franco-belge, Tintin et la culture underground américaine. Rencontre à Bastia lors du dernier festival BD Bastia. Bonjour Charles Burns. Hello. Charles Burns, vous êtes en France. Vous avez pu constater que le genre western est repris par des auteurs français, par des auteurs belges. Est-ce que ce genre existe encore aux États-Unis? Not really. I think that people of my generation grew up with cowboys, Indians, but it's not really a genre that's been popular for a long time. Pas vraiment. Les gens de ma génération ont grandi avec ça, les Indiens, les cow-boys, etc. Mais maintenant, c'est un peu terminé tout ça. Et vous, pendant ce temps-là, Charles Burns, c'est plutôt la bande dessinée franco-belge qui vous inspire, que vous mixez avec votre univers américain marqué par tout ce qui s'est fait, ce qui s'est créé dans les années 50, 60, la Beat Generation, William Burroughs bien sûr, mais le fait de reprendre un personnage comme Tintin qui est connu partout dans le monde, sauf aux États-Unis, c'était une manière pour vous de vous démarquer ou de rendre hommage à cette culture et à ce personnage? Yeah, I was one of the rare cartoonists of my generation that grew up with Hergé's Tintin, because it was not a success very early, but there were several albums that were published, I think around 1960. Oui, j'étais un des rares auteurs américains influencés ou qui connaissaient Tintin, parce que très peu de ces albums étaient publiés, en fait, à mon époque. Les premiers ont été publiés dans les années 1960 seulement. And I don't think that there was such a direct influence when I in my actual style of cartooning. But when I worked on the trilogy, the three books that came out recently, I wanted to do an album, a typical Franco-Belgian album, and work in color. Il n'y a pas eu vraiment d'influence, mais par contre, quand j'ai décidé de créer cette trilogie là qui vient de sortir récemment, j'avais envie d'avoir le format typique franco-belge, avec les dimensions de l'album et le nombre de pages de ces albums franco-belges. Est-ce que vous êtes obsédé par l'idée d'améliorer votre dessin, ou vous pensez, Charles Burns, que vous avez déjà trouvé votre style et que tout l'intérêt pour vous maintenant, c'est de développer des histoires plutôt que de faire évoluer votre trait? I've always focused on the stories. For me, comics are Donc j'ai toujours considéré que la bande dessinée, c'était des idées, une histoire et du dessin. Pour moi, l'important, c'est quand même les histoires et le style, le dessin, s'est imposé et venu de lui-même d'une certaine manière. When I was working on the last three books, because they were in color, pour moi, les trois derniers livres, alors qu'ils sont en couleur, contrairement au reste de mon œuvre, c'était vraiment une démarche très différente parce que je considère que les couleurs, c'est pas juste quelque chose qu'on vient calquer comme ça, poser sur du noir, mais ça fait vraiment partie du dessin. Donc c'était une démarche très différente pour moi, les trois derniers livres. Dernière question, Charles Burns, est-ce que vous vous souvenez de votre premier dessin publié? Let me think. Yes, I do. It was, as usual, it was in a small school publication. We were talking about Robert Crumb. Oui, je m'en souviens, j'avais 13 ans, c'était à l'école, c'était pour une publication scolaire en fait, et j'ai créé une page qui était plus ou moins une imitation de Robert Crumb. So in the, it was a very compacted, you know, filled page. And I even, there were very small, very carefully disguised swear words in there. Oui, c'était une page qui était très, très dense, avec beaucoup d'éléments dedans, et notamment beaucoup de jurons qui étaient calligraphiés. There was one teacher who was the editor, and donc, he en fait, was c'était un professeur qui était l'éditeur de cette revue. Et puis, quand il a vu que ce que j'avais fait, premièrement, c'était copié sur Chrome, et deuxièmement, qu'il y avait des mots tels que fuck ou shit, eh ben, je peux vous dire qu'il n'était pas vraiment content. Vous l'avez gardé, ce dessin, cette page? I have it, but I would never show anybody. It's kind of embarrassing. Oui, je l'ai toujours, mais je la montre jamais à personne, je la montrerai jamais à personne, ou peut-être un jour je la montrerai, mais franchement, c'est un peu embarrassant. Merci, Charles Burns. Thanks. Traduction, Sylvain Coissard. Voici l'homme qui tua Lucky Luke, Mathieu Bonhomme. Ah, c'est pas moi qui l'ai tué. C'est étrange de voir que le western existe, continue à exister. On peut même parler de renaissance du genre en Europe, c'est-à-dire entre la France et la Belgique, alors qu'il a complètement disparu aux États-Unis. Oui, c'est très étonnant parce que, en fait, le western est arrivé en Europe sous forme de bande dessinée grâce à la bande de Maurice, de Jigé, puis ensuite de ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire Giraud, et puis Derib, et puis Merman, etc. Ce genre est arrivé en Europe en bande dessinée au moment où aux États-Unis, en bande dessinée, ils étaient en train de passer à autre chose, ils passaient aux super-héros. Donc ils ont complètement bande dessinée laissé le genre pour que nous, on en hérite. Et puis, avec ce temps, les auteurs étaient tellement prestigieux, si vous voulez, à cette époque-là, que tous les lecteurs de ces bandes dessinées, ils se sont inspirés de leurs grands dessinateurs favoris, mais le genre les a imprégnés aussi. Et je pense que quand on a grandi en étant, et qu'on a, avec la bande dessinée, qu'on est devenu auteur de bande dessinée, il y a toujours un moment où on a envie de retourner au western, parce que c'est le genre de nos maîtres, je dirais. Alors, pendant que Charles Burns est en train d'admirer votre œuvre, votre dessin, le western que vous avez représenté à travers l'homme qui tua Lucky Luke, vous, qu'est-ce que vous avez à dire sur le travail de Charles Burns, Mathieu Bonhomme? Comment lui s'est emparé d'un personnage aussi emblématique que Tintin pour le faire plonger dans une culture underground américaine des années 50, 60, c'est-à-dire la Beat Generation, Wiggum Boos? Moi, je suis complètement fasciné par le travail de Charles Burns, que j'ai découvert finalement assez tard, parce que, bizarrement, comme j'ai grandi avec le franco-belge, la bande dessinée américaine m'est arrivée un peu plus tard. J'étais déjà auteur ou en train de l'être au moment où j'ai découvert tout ça. Et j'ai lu Black Hole en étant complètement fasciné. Je suis parti complètement dans cet univers. Ce qui m'a vraiment marqué, si vous voulez, dans l'univers de Charles Burns, c'est qu'il arrive à faire quelque chose qui me semblait impossible en bande dessinée, c'est-à-dire provoquer, je dirais, la peur. Il y a des sentiments comme ça en bande dessinée qu'on arrive à faire, l'humour, l'amour, hein, on arrive à faire avoir des sentiments comme ça d'amour, mais la peur comme on peut l'avoir au cinéma, l'angoisse, c'est très très difficile, c'est rarissime en bande dessinée, et je trouve que c'est un maître de ce genre, et on en voit très peu, enfin je veux dire, ils sont, il n'y a que lui peut-être, l'impression. Et cette manière qu'il a de rendre hommage à un personnage comme Tintin? Ça, je trouve ça magnifique parce que là, vraiment, il le décale, il se l'accapare, et puis il va chercher. En même temps, il s'en accapare et en même temps, il parle de ce qui lui l'a troublé dans ce personnage et dans ses aventures. Parce que dans les albums de Tintin, il a été chercher toutes les zones de bizarrerie et les trucs qui l'ont interpellé sont des choses bizarres. Et de les remettre après, d'inverser le truc et de nous montrer un Tintin bizarre, de le mettre à sa façon, comme ça, dans son univers, je trouve ça excellent, quoi, très très fort. Vous allez nous faire d'ailleurs un dessin en hommage à Lucky Luke et en hommage à Charles Burns. Drôle d'exercice, hein ? En effet. Voyons voir, voyons ça. Dessin qu'on retrouvera, bien sûr, que vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs tout de suite, une fois qu'il est fini, sur franceculture.fr, à la page de l'émission « Un autre jour est possible ». Je dessine donc un Lucky Luke à ma façon, mais aussi avec un petit clin d'œil à Charles Burns. Je ne sais pas trop où je vais. On va voir ce que ça donne en même temps que je le fais. Oh bah alors peut-être que vous allez décrire le trait de Charles Burns. Pour vous, c'est quoi le trait de Charles Burns? Alors Charles Burns, déjà pour moi, c'est un trait de pinceau, donc qui s'est joué avec les pleins, les déliés, mais avec une maestria presque mécanique comme on en voit rarement. Le pinceau, c'est un outil qui est évidemment hypersensible, dont la pointe touche la feuille et qui reçoit chaque vibration de la main et ça se voit. Et Charles Burns, il a une façon de le faire où on a l'impression que c'est maîtrisé à un point extraordinaire. Et ça participe beaucoup du trouble, je trouve, qu'on peut ressentir dans ses dessins. C'est qu'il y a effectivement cette esthétique très très lisse, très propre, avec des brillances hyper bien travaillées dans les cheveux, dans les matières, et à la fois ces histoires tellement bizarres. Et moi je trouve que son dessin participe beaucoup de l'impression qu'on a à lire ces bandes dessinées. On reconnaît Lucky Luke, mais il y a un hommage à Tintin revu et corrigé par Charles Burns. Oui, c'est ça. J'ai changé la mèche de mon cow-boy pour une houppette à la Tintin. Ou à la Doug. Ou à la Doug. Je vais essayer de l'ancrer un peu comme Charles Burns. Je pars à l'aventure, là. Hein. Je vous demande un petit peu de compréhension, de compassion. Bon, alors, à vous aussi, la même question. Est-ce que vous vous souvenez du premier dessin publié? Ah là là, c'est quelque chose d'atroce dont vous me parlez. C'est un dessin que j'ai fait pour le journal d'entreprise de ma mère, où j'ai dû dessiner une infirmière et avec sa blouse. Et j'avais fait une ombre portée à la Moebius, c'est-à-dire que j'avais découvert peu de temps avant que Moebius, quand il y a une zone d'ombre, il la cernait et ensuite dedans il la hachurait. Et quand elle a montré ce dessin... gens dans son entreprise, ils lui ont dit mais c'est quoi ce truc, on dirait qu'elle a des poils aux pattes. Donc voilà, premier dessin. Et quel âge? Oh, là je devais avoir 15 ans. Ça m'a un peu calmé, hein, pendant un temps. Vous l'avez gardé, hein, ça? Alors ça, je non, je pense pas. Je sais pas où il est. Peut-être que ma mère l'a gardé étant fière de son jeune garçon, mais non, j'ai pas gardé personnellement ce truc là non. Merci Mathieu Bonhomme, merci pour le dessin que vous pouvez bien sûr retrouver en passant par franceculture.fr. Un drôle de Lucky Luke, c'est bien sûr à la page de l'émission Un autre jour est possible. Merci beaucoup. Merci à vous.